The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To turn down. Baisser. Sound. Le son. Loud. Fort. Nothing. Rien. Volume. Le volume. To hear. Entendre. To understand. Comprendre. More. Plus. Less. Moins. Now, a bit faster. To understand. Comprendre. Loud. Fort. To understand. Comprendre. To hear. Entendre. Nothing. Rien. To hear. Entendre. Nothing. Rien. Loud. Fort. More. Plus. Loud. Fort. Nothing. Rien. Sound. Le son. Volume. Le volume. Nothing. Rien. More. Plus. Loud. Fort. To turn down. Baisser. Now, use the words in context. Baisser. I'm lowering the blinds. There's too much sun. Je baisse les stores. Il y a trop de soleil. Le son. This music is really great. Who is the artist? Ce son est très bon. Qui est l'artiste? Fort. I don't like to listen to music too loud. Je n'aime pas écouter la musique trop fort. Le volume. Where is the knob to control the volume? Où se trouve la touche pour régler le volume? Rien. I don't know anything about it. Je n'en sais rien. Le son. This music is really great. Who is the artist? Ce son est très bon. Qui est l'artiste? Fort. I don't like to listen to music too loud. Je n'aime pas écouter la musique trop fort. Rien. I don't know anything about it. Je n'en sais rien.